On va continuer tout doucement cette émission en ayant pour fil rouge l'alerte enlèvement de ce cher Arbatax. Espérons avoir des nouvelles. Mais là, on va commencer très très fort puisque c'est un son de Désinvolte System. Désinvolte System, c'est un crew de Bruxelles et ils ont fait une chanson qui s'appelle Claude Guéant Song. Attention, ça fait très mal. C'est pour tous les gens qui s'appellent Claude Guéant. Voilà, prends ça. Monsieur Guéant. Les agents des services publics, évidemment, ne doivent pas porter de signes religieux, mais les usagers du service public ne doivent pas non plus. Ministre de l'Intérieur. Les agents des services publics, évidemment, ne doivent pas porter de signes religieux, mais les usagers du service public ne doivent pas non plus. Désinvolte System, Claude Guéant Song. Croisade. Croisade. Ministre de l'Intérieur, Monsieur Guéant, ministre de l'Intérieur, Monsieur Guéant, ministre de l'Intérieur, Monsieur Guéant, ministre de l'Intérieur, Monsieur Guéant, ministre de l'Intérieur, Monsieur Guéant, ministre de l'Intérieur, Monsieur Guéant. Radio Panique. Saison 5.4, c'est formidable. We'll be right back. Tortoli. Ne fais pas mongolien, le fifou, il peut rien. Et ça te fait pas de la peine? C'est possible, mais toutes les télés ont parlé de cette histoire. Et je ne suis pas tout seul. Ah, vous êtes plusieurs? Deux. Mais c'était un début. Je m'appelle Arbatax. Je fais partie du FBI. Comme par hasard. Je suis quand même pas plus con que tous ces imbéciles. Nous sommes Tortoli et Arbatax. C'est des pique-assiettes du pouvoir. Qui vous a dit ça? Et quand vous l'aurez plus ce pouvoir, vous savez où vous allez vous retrouver? Dans la merde, c'est votre élément la merde. Je ne sais même pas ce que c'est! C'est des mouches à merde! Et maintenant, un petit peu de musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. De retour, vous écoutez Tortoli et Arbatax. Tortoli qui se retrouve tout seul, je suis seul. Arbatax a été. Empêché. Empêché, dirons-nous. Et voilà. Donc, c'est une émission sans Arbatax, mais avec donc plus de son, moins de blabla. Voilà, juste avant, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on vient de s'écouter. Alors dans l'ordre, il y avait le Claude Guéant Song, c'est de Désinvol System, des Bruxellois. Et juste après, c'était Spotty, S-P-O-T-T-I-E, ça c'est le titre de la chanson. Et le groupe s'appelle Hypnotic Brass Band, Hypnotic Brass Ensemble, pardon. C'est un groupe, je le refais, de Chicago. Voilà, une espèce de grosse fanfare qui a notamment collaboré avec Mos Def, etc. Et le titre c'était Spotty, et le dernier titre qu'on s'est écouté juste derrière c'était The Youngblood Brass Band, et le titre ça s'appelait VIP. Youngblood Brass Band, c'est un groupe de Madison dans le Wisconsin. Madison, pas la danse, la ville. C'était pour la présentation de ces deux petits morceaux, ou plutôt deux gros morceaux, et là voilà, vous entendez derrière le petit jingle. C'est le jingle de l'expression de la semaine, étant donné les circonstances atténuantes, bien sûr, qui empêchent notre ami Arbatax. On lui fait quand même un big up, mais on va se permettre de faire une petite semaine sans expression de la semaine, et on va laisser les gens voter deux fois plus pour l'expression de la semaine dernière. En fait, l'expression de la semaine dernière, je défendais Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote, et lui, il défend l'expression next. Voilà, donc si on établit qu'aujourd'hui on est à la mi-temps, et ben notre ami Arbatax se prend une bonne fessée. J'espère que l'entraîneur va l'engueuler dans les vestiaires. Il se prend 5-0, donc voilà, il y a 5-0. Mon petit Arbatax, tu dois pleurer là où tu es. Mais bon, voilà, ça t'étonnera pas si je mets une petite musique. Juste pour célébrer comme ça, tranquillement le 5-0. On s'écoute un petit peu. Voilà, donc continuez bien tous à voter. Je vous répète les expressions. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Face à l'expression d'Arbatax, next, nexté. Voilà, on peut le mettre en verbe, etc. Il y en a pour tous les goûts. Et là, on repart sur du son. Ça s'appelle Omar et Z Bias. Et le titre, c'est Dancing. Attention, ça fait très mal. Ciao. Vous écoutez Tortoli, Arbatax, 105.4. C'est Radio Panique. Oh, dancing all the night. Line, if you make me screw my face up, find me a corner and find me a space. And I find pretty girl and make me wind me waist up. Love how the way how she wind she waist up. Precise like how she apply the makeup. Love how she flow when me tell her straight up. Flow like petrol, me fire straight up. Now feel the sweat drip from my neck. As we connect, flow is electric. Now nah, miss a step, yeah miss a step. Don't worry baby, all is correct. I'm the girl want indeed, you will get this music and feed me deeply, oh yeah. No, so you're feeling deep, but don't fret. If you move in the dance, get dark and just yeah. C'est Tortoli et Arbatax sur Radio Panique, tous les mardis de 17h à 18h. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ça c'est Sistema Solar. Porque yo no sé en este país, como un canal, de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? Apenas para nada y nada para qué. Se tapa mi visión en este bosque. Nosotros caminamos como sea. Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. Mes amis. Allez. Je crois que nous avons un sérieux problème à régler. Allez. De retour sur Radio Panique, vous écoutez Tortoli et Arbatax sur le 105.4 ou sur le www.radiopanique.org. Voilà, dans l'ordre, je vais vous donner les titres des morceaux qu'on vient de se faire. Juste avant, c'était Ima Sumac avec le titre Gopher Mambo. Encore un peu avant, c'était Omar et Zed Bias avec le titre Dancing. Ça, c'est une grosse tuerie. Ça arrive pour cet été sur le label Through Sogs. Omar qui avait notamment collaboré avec Hocus Pocus. Là, il fait un featuring avec Zed Bias et le titre s'appelle Dancing. Et juste entre les deux, je vais essayer de retrouver le titre, à moins que je ne le retrouve pas. Et tant pis. On a qu'à dire tant pis. C'est pas grave. On continue toujours sur cette bonne dose de son. Derrière, c'est un petit King Tubby. Take 5, tranquillement. Et voilà. Je vous laisse apprécier les pieds en éventail. Voilà, c'était un petit extrait King Tubby Take 5, juste pour moi le temps de retrouver le titre qui était au milieu de cette série de trois morceaux. C'était Sistema Solar. Sistema Solar avec le titre Sin Officio. Voilà, on va repartir sur un petit mix Pinocchio. Pourquoi un mix Pinocchio? Bah pourquoi pas. C'est voilà, tout simplement. Partir d'un mot et faire un mix. Voilà, c'était le défi de la journée. Et là, c'est un mix Pinocchio. Va savoir, va comprendre. Je sais pas. Quand ils mentent, il y en a qui font grandir leur anatomie. Et là, c'est le cas de Pinocchio. Même chose avec son naseau. Je vous laisse écouter ça tranquillement. C'est le mix Pinocchio! Hey! brave, Geppetto. Toute ta vie, tu as fait tant de bien autour de toi. Tu mérites que ton vœu soit exaucé. Charmant petit pantin de bois, éveille-toi. Je t'accorde le don de la vie. Que ne fait-on pas de nos jours? Geppetto a souhaité avoir un véritable garçon. Et maintenant, je suis véritable? Non, Pinocchio. La réalisation du vœu de Geppetto va dépendre entièrement de toi. Dépendre de moi? Prouve-moi que tu es brave, toujours franc, loyal et obéissant, et un jour, tu pourras devenir un vrai garçon. Un garçon comme les autres? Ce ne sera pas facile. Tu devras choisir entre la route droite et la mauvaise. La droite et la mauvaise? Mais comment? Voilà, c'était le Pinocchio Mix, Mix Pinocchio. Va savoir pourquoi, pourquoi Pinocchio, pourquoi lui, je sais pas. Réveillé ce matin, je pensais à lui. Le nez tout long, le nez tout dur. Et donc dans le désordre, je vous le fais, c'était un vieux titre techno qui s'appelait Pinocchio. Après, ça a été repris par Manu Chao et son Radio Bemba Sound System. Il y avait aussi un truc bien pourri, style Ilona ou je sais plus quoi, qui dit T-Cap, pas cap, et le titre s'appelle Pinocchio. Il y a aussi des extraits de films de Pinocchio, du dessin animé bien sûr. Trêve de rigolade, on repasse à la musique, à la vraie. Enfin, je parlais pour cap, pas cap, étant donné le niveau élevé par cette chanson. Là, on va repartir direct sur une tuerie de grammatique. On vous a déjà passé un son, c'est un DJ slovène. Et en fait, là, il se trouve qu'il a fait un mash-up entre un titre à lui et un titre de Led Zeppelin. Alors voilà, le titre s'appelle Stairway to Hip Hop Heaven et c'est un match-up Led Zeppelin versus Grammatique. Attention, ça peut vous faire mal aux oreilles et ça peut surtout faire du bien. C'est parti ou quoi? Ouais. Vous écoutez Radio Panique, c'est Tortoli et Herbe Attack sur le 105.4. Là c'est Grammatique. Oh oh oh. Ça se passe bien ou pas? De retour sur Tortoli et Herbe Attaque sur Radio Panique sur 65.4. Voilà, vous écoutez peut-être en streaming. Peu importe. Le titre juste avant, donc, c'était Grammatique qui faisait un mashup de son morceau qui s'appelle Hip-Hop, je pense, et d'un titre de Led Zeppelin qui s'appelle Stairway Even. Voilà, ça fait Stairway Hip-Hop Even. Et là, on va s'empresser de répondre à une demande express d'une auditrice, voilà, aka Faustine, qui nous a envoyé un petit mail dont je vous recommande de suivre l'exemple. Voilà, vous envoyez un mail à tortoliherbatax@gmail.com et vous proposez un titre, vous balancez une chanson, voilà, si ça vous fait plaisir, etc. Là, le titre en question que Faustine de Bruxelles nous a envoyé, c'est Delay, et le groupe s'appelle Intergalactic Lovers. Voilà, on va passer ça, big up. Donc voilà, suivez l'exemple, comme disait Rof. Vous écoutez Tortoli Herbe Attaque. On se retrouve juste derrière. De retour, vous écoutez Tortoli et Herbe Attaque. C'est Radio Panique, c'est le 105.4, on touche à la fin de cette émission. Juste avant, je vous redonne le titre de cette cette chanson qui s'appelait Delay, D-E-L-A-Y. Et c'est un groupe belge qui s'appelle Intergalactic Lovers. Voilà. Juste avant de vous lancer classique, je vais vous annoncer la suite du programme. La suite du programme, c'est Djibouti. Et ils font une spéciale Angola. Voilà, il y aura peut-être Miss Luanda dans les studios. Enfin, du moins, j'espère. Spéciale Angola pour Djibouti. Et juste derrière, c'est au programme du cycle Santé Mentale sur Radio Panique qui a lieu du 16 avril au 18 mai. Et voilà, donc Chloé reçoit un moult invité à partir de 19h pour parler art et santé mentale. Voilà, tout le programme de santé mentale, la programmation, elle est dispo sur le site de Radio Panique, également dans quelques bars bien placés, j'ai entendu dire. On va se quitter sur un classique. Le classique, je vais pas vous le chanter, c'est Groove is in the Earth. Et le titre, c'est Delight, ou plutôt l'inverse. Enfin bref, vous y retrouverez. Vous retrouvez également la playlist, les podcasts, tout ce qui va avec, sur le site de Radio Panique, sur le Facebook. Voilà, vous pouvez continuer à voter pour l'expression de la semaine. La semaine prochaine, je vous signale, on fait une spéciale folie, toujours dans le cadre de cette programmation, dans ce mois santé mentale. Voilà, donc ne ratez pas, mardi 3 mai, Tortoli Herbe Attack, spéciale folie à 17h. Et ça durera 1h, les amis. Et on sera également en compagnie de notre ami Herbe Attack. Voilà, big up. A bientôt tout le monde, je vous laisse avec Djibouti et tout de suite Groove is in the Earth. Ça te rappellera tes booms, tes petites emballades, tes premières. Allez, dansons. Ciao les amigos. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Come on, y'all are crazy, man.